commettre un péché est devenu normal. Je ne veux pas vous suivre dans ce délire pour tout vous dire, quand j'y repense c'est normal. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. Excuse me. Si un jour j'étais du mal alors qu'on se connaît depuis tout petit. La vérité c'est que maintenant j'aimerais qu'on oublie. Ces propos agaçants, repoussants, décevants, impolis. Trop de folie, hey. L'État nous baratine, il faut se laisser faire. La loi nous a fait depuis comment se défaire. Contre l'abusif et pénalty par terre. La vérité c'est qu'en vérité il faut se taire. Le mal se fait matin, midi, soir, oh oui. Dans ce monde où commettre un péché est devenu normal. Je ne veux pas vous suivre dans ce délire pour tout vous dire, quand j'y repense c'est normal. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le crime est devenu banal. On s'étonne plus de trouver des corps dans le canal. Pour une carotte ou quelques bananes, tu peux te faire affaler, affaler en plein cœur de Paname. Harry, le temps presse, les amis dépêchés. Ou bien par l'oseille, sauriez-vous à lécher. Tu kiffes le sommeil, oui, mais je prends des péchés. Glou comme de voir le samedi soir une soixantaine d'hommes éméchés. Paraît dire que nous sommes louches. Carlouche, harbouche, bronze et grosse bouche. Les arabes sont kleptomanes, volent même les tomates. Et les noirs auraient apparemment besoin d'une bonne douche. Fuck you, Sistra. Beaucoup plus dans les normes que ton fils trave. C'est ta vote, chute qu'on assistera. Iblis te guette, baisse la tête, c'est trave. J'ai du mal à vivre. Dans ce monde où commettre un péché est devenu normal. Je ne veux pas vous suivre dans ce délire pour tout vous dire, quand j'y repense c'est normal. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. Le chétan s'est mis depuis tant d'années. N'attendez pas d'être condamné. J'aimerais vous dire tant de choses avant de m'en aller. C'est à peine si je n'ose à vous me dévoiler.